À croire que c'est plutôt dans le web que je veux aller, ça me semble pas trop mal choisi. Donc oui, visiblement ça serait plutôt dans le web que je veux orienter, ça me semble réfléchir.